je savais que c'était comme ça, ou je savais c'était à recommencer. Yezalelina yeko belisanga motema. Tous les temps pour changer de temps en temps pour compliquer. Batou batou naka, et paï bolingo, et paï badou. Lori c'est la congolaise, tango moye bimaka, kukabola mikolo. Nayaka awanase, koluka motema naye. Nandi mi pena moni, mbote na yoso, solo ezali, motema. Secret à l'horizon, ils allient ces gentillesses. Yokatina, bako profite. Pourquoi n'y a pas le caca dans Saint-Jean de Montmartre? Et pas à serre l'année dit reconnaissance dans Zambé. Nabaye balingana, le cola bakela yo. L'horizon est la congolaise. Mère Malou première. José Congolo na type K, marqué les pas, Morgan l'italien, de Claude Domitila. Batouna café, baye batina, ya complicité, angana yo mama. Oh meme la kanga, maso bango balobaka, pona angaye. Oh matongye, abato ata balobitika baloba, ezali watem.